Je suis très inquiet pour les équipes sportives au Canada. Évidemment, ils n'ont pas de foule. Et ça, c'est des pertes de revenus terribles. Et une des équipes, évidemment, on entend parler beaucoup du Canadien. Je pense que les Canadiens vont perdre beaucoup d'argent, mais ils vont s'en sortir quand même. Mais une des équipes que je suis inquiet, c'est les Sénateurs d'Ottawa. Et on va parler avec l'analyste des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Alain Sancartier. Bonjour, bonjour Alain. Bonjour. Alain, je suis très inquiet pour les équipes de sport. Évidemment, le Canadien, je pense, oui, ils perdent beaucoup d'argent, ça fait très mal, mais ils vont s'en sortir. Même chose pour les Leafs, même chose pour les Canucks. Mais les équipes comme les Sénateurs, qui étaient déjà sur la limite avant la COVID, ça doit vraiment pas être drôle. Ben, c'est certain, si on le regarde au niveau de l'exercice comptable, que ça rajoute au défi, là. Si je regarde, entre autres, chez les sénateurs d'Ottawa dans la capitale nationale. Puis, tu sais, mais quand on a toujours dit, là, pour les propriétaires de ces franchises-là, là où à un moment donné, on est capable d'en tirer un certain avantage. On l'a vécu à l'époque avec George Gillett, avec le Canadien de Montréal. Tu sais, c'est dans la plus-value le moment où tu prends la décision de tout simplement de vendre la formation. Alors, c'est là où à un moment donné, les propriétaires vont chercher Une effectivement valeur. un certain gain substantiel. Par contre, là où le bât blesse actuellement, puis tu avais entièrement raison, ce que je mentionnais tantôt, souvent c'est l'enjeu des liquidités. Alors, tu sais, on compare pas Montréal puis Vancouver à celui d'Ottawa. Il a toujours connu certaines difficultés à ce niveau-là, au niveau des liquidités, où, disons, on était davantage sur une glace mince. Alors, le fait présentement, écoutez, dernier match, nous, à la description et à l'analyse, bon, on avait droit à un maximum de 500 personnes. Alors, il y avait 500 personnes, on annonçait même sur le tableau indicateur à guichet fermé, Ouais, 500 personnes. ridicule un Mais c'est peu, hein? clair que ça. Oui, mais ça amène beaucoup d'enjeux. Beaucoup d'enjeux, garde, quand on parle de liquidité, parce que, tu sais, c'est bien beau à un moment donné être propriétaire, puis tu dis au moment de la vente, ben, je vais aller chercher. Peut-être qu'au moment où on se parle sur le court terme, ça m'en coûte, mais tantôt, je vais récupérer mes billes. Ouais. Mais là, ça en coûte encore plus. Puis l'autre défi aussi, qu'on parle très peu, c'est qu'il y a un moment donné, on sait tous ce qu'on vit actuellement, le défi de la ressource humaine, là, peu importe les sphères de la société, il y a un gros manque à ce niveau-là. Ben là, il y a un moment donné, cette ressource humaine-là, elle s'éparpille ailleurs. Alors, tu sais, tantôt, d'être capable de tout ramener ce monde-là, où pour plusieurs, c'est des revenus d'appoint, là. Tu sais, c'est pas nécessairement leur travail premier, mais c'est à un moment donné, c'est un complément au niveau du salaire de certaines personnes. Non, regarde, non, excuse-moi, je vais me servir de l'expression, là. C'est clair que ça saigne du nez. Ah, Ça, c'est clair. il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de Là, doute. si je comprends bien, en Ontario, c'est en mars que vous devriez être capable de revenir à temps plein, j'imagine, c'est ça? Bon, écoute, la prochaine, 14 mars, je là, pense. présentement, c'est. Ben, oui, là, le premier objectif, c'était celle de ramener à Ouais. 500. On vient de le faire. 21 février, on parle de 50 %. La seule chose qu'on ne sait pas au moment où on se parle, est-ce qu'ils vont avoir le droit de manger du maïs soufflé puis boire de petites liqueurs douces? Parce que ça aussi, c'est un enjeu, là. Ben oui, ben T'as oui, des ben oui. ententes comme t'as des ententes commerciales. Dans ces ententes commerciales-là, il faut pas s'en cacher, l'organisation, à quelque part, va chercher des revenus assez importants. Alors, ça, c'est la donnée qu'on n'a pas au moment où on se parle. Et comme la date, vous avez avancé tantôt, l'objectif est toujours qu'au 14 mars prochain, on pourra ramener cela à pleine capacité. Mais encore une fois, là où le bât blesse, c'est que moi, l'analyse, je connais mon calendrier à partir de lundi, là. Je pense que les sénateurs vont jouer 12 matchs en 20 jours. Il y en a 8 à domicile. Ouais. Alors, les 8 à domicile, la plupart de ces matchs-là, ça va être devant 500 personnes, là. Alors, c'est pas. Non, ça coûte. Non, ça coûte beaucoup d'argent actuellement. Est-ce que vous pensez que je sais que le Canadien a mis de la pression beaucoup, beaucoup. En Ontario, t'as quand même quatre clubs majeurs. T'as les Raptors, t'as les Jays Ouais. jouent pas, mais quand même, t'as les Leafs, t'as également Ouais. les Raptors, les Leafs et les Sénateurs. T'as trois équipes qui sont actuellement. Et t'as la crosse aussi à Toronto, là, qui est quand même très Exact. populaire, qui est quand même très populaire également. Est-ce qu'ils ont mis de la pression quand même? T'as quatre. Beaucoup. Ouais? OK. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, encore une fois, on va dire les vraies choses, c'est une question de lobbying, hein. Je veux Oh, dire, c'est ça. mais il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de chaleur, puis. Et M. Melnyk, à la base, là, lui, il demeure à Toronto. Il demeure dans la région de Toronto. Alors, il n'y a pas de doute qu'il est associé aux organisations que vous avez mentionnées tantôt, où on met beaucoup, beaucoup de pression sur le gouvernement Ford. Est-ce que cela va faire accélérer les choses? Regarde, je ne le sais pas. Alors, je ne veux pas spéculer à ce niveau-là. Mais pour répondre à ta question, oui, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de chaleur actuellement là, pour être en mesure là, de peut-être être un petit peu moins restrictif là, au niveau des règles sanitaires. Est-ce que ça pourrait faire en sorte, parce qu'on entend parler souvent que les sénateurs pourraient être vendus, Jim Melnick et ainsi de suite, est-ce que ça pourrait, sans forcer à vendre, est-ce que ça pourrait être, l'écœurement pourrait être la même affaire? Non? Bien, je vais répondre à ta question à deux volets. Je vais te l'amener à deux volets. La première, est-ce que ça pourrait l'amener enfin à avoir cette ouverture de joindre celui-ci de nouveaux partenaires? Ça, c'est un. Il a toujours exclu cette option-là. Maintenant, ça va dans deux sens. Est-ce qu'il est prêt à ouvrir, à accepter des partenaires? Puis est-ce que des partenaires sont prêts à s'associer à M. Melnick? C'est ça la deuxième question. C'est la première. Moi, je regarde ça de loin, là. Puis être un actionnaire avec Eugene Melnick, partenaire actionnaire, je me sens que ça me ferait peur. Quand tu es en minorité, je ne suis pas sûr que ça sécurise. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je vais te répondre à un deuxième volet. Dites-vous une chose. Que demain matin, il amène de nouveaux partenaires ou que demain matin, il prenne la décision de vendre ses parts, dites-vous une chose, il y a des intérêts locaux qui vont se manifester. Ben, Daniel Alfredson, on attend le groupe de Daniel Alfredson, on attend le groupe également de... Ben, Daniel Alfredson, Chris Phillips aussi, il est là-dedans? Mais tout ça pour vous dire, c'est que oubliez de renourrir la possibilité de déménagement. Okay. Ça n'arrivera pas. Voilà. Ça n'arrivera pas. Je pense que c'est même pour ici la capitale nationale, tu sais, c'est un outil important. Puis il y a certains gens dans la communauté d'affaires, autant là que vous avez mentionné certains anciens professionnels, comme certains autres, là, se sont pas impliqués parce que eux, en bout de ligne, ne voulaient pas donner les partenaires minoritaires. On s'entend, là? Ouais. Et ils veulent tout le gâteau. Alors, ça sera à suivre, mais je pense qu'au moment présent, le plus important, c'est d'essayer de retrouver un certain niveau de normalité, tout simplement, parce que c'est plate, là, on dit, là, pas trop loin de la frontière, là, on le voit juste au niveau du football, la NFL, en séminatoire, là. Il y a des endroits. Quand on joue à Buffalo, là, c'est 4 heures d'ici, là. Ouais. On dit, waouh, attends, on est d'un autre monde, on est d'une autre planète, là. Ah oui, c'est ça. Hey, dites-moi, quand ça va redémarrer, évidemment, on va chercher toutes sortes de revenus. J'écoutais l'autre jour un podcast des sénateurs, le podcast francophone des sénateurs, vous devez savoir de qui je parle, là. Il y a un podcast qui existe. Puis on parlait des joueurs du Québec. Et les sénateurs, dans leur histoire, ils n'ont pas travaillé tellement fort pour gagner le marché québécois. Est-ce que ça, on va s'ouvrir à un moment donné? Il y avait un gars qui était dans l'émission, je ne me rappelle plus du nom du gars, puis il disait: les sénateurs, historiquement, on a toujours proposé ça, mais finalement, les résultats n'arrivent pas tout de suite, puis les propriétaires ne sont pas patients avec ça. Mais il faudrait... Vous avez entièrement raison. Écoutez, là, moi, là, ça fait... Je compte plus les années, là. Je suis entre 22 à 23 ans à titre d'analyste au hockey des sénateurs, puis moi, je persiste et je signe. Hein, c'est que lorsque les sénateurs se sont amenés dans le marché, ici, dans la capitale nationale, j'ai toujours mentionné qu'ils représentaient un peu le bâton du Q-tip entre Montréal et Toronto. Ben oui. Hein? Montréal, c'est un gros marché. Toronto, c'est un gros marché. Et là, à un moment donné, j'ai eu le sentiment au niveau du développement des affaires. On s'est dit, on va aller chercher un peu des partisans des Leafs, un peu des partisans du Canadien de Montréal, des Bengals, puis surtout du côté du marché québécois. Là. Puis on en a aussi plusieurs, là, c'est les Bruins de Boston aussi dans la région. Fait, mais au lieu de faire... Souvenez-vous, quand le Canadien est transféré du Forum au Centre Bell, là, à un moment donné, on s'est dit, on va venir à la base avec les jeunes. Alors, pour moi, toujours été là, cette erreur-là, c'est que je pense sincèrement que l'implication aurait dû être envers les jeunes, hein, envers les jeunes, puis de grandir avec ça pour les années futures. On ne l'a pas fait. Là, à un moment donné, oui, on a injecté des sommes, du temps et de l'énergie sur le côté québécois. Mais encore une fois, ce que vous avez mentionné avec exactitude, on a manqué de patience. Hein? Le trio Big Mac, on le voulait tout de suite. Là. Ben oui, mais ça ne marche pas de même. Ouais. C'est un processus à respecter sur le moyen et le long terme. Alors, ils sont arrivés à la conclusion, l'argent qu'on a mis, l'investissement en temps qu'on a mis par rapport à ce que ça allait amener, non, regarde, on va essayer de consolider à la place ce qu'on a déjà de l'autre côté. Mais tu sais, quand on parle de l'autre côté, il faut faire attention. On ne peut pas juste parler de la communauté anglophone. parce que la communauté franco-ontarienne est importante aussi. Là, tu sais, dire, elle représente définitivement une clientèle importante pour le sénateur d'Ottawa. Vous faites de la radio à Montréal, donc vous êtes très bien au courant de ce qui se passe à Montréal aussi. Tu sais, le Canadien était critiqué de ne pas regarder du côté de la Légion majeure du Québec. Là, ça va peut-être changer, on va donner une chance, mais les sénateurs auraient pu en profiter. Ben. Oui, bien, tu sais, encore une fois, on nage dans deux directions. Un, on venait tantôt sur la salle du partisan, mais si je regarde au niveau, tu sais, là, bon, il y a un moment donné, les sénateurs avaient peut-être 4-5 Québécois dans leur alignement, là, les Pajot, les Brassard, on a eu certains autres, mais si je regarde au niveau du produit sur la surface, le produit sur la surface glacée, là, OK, moi, je regarde la façon dont ils ont repêché dans les dernières années. Là, je regarde un exemple, Drake Batterson, là, je regarde Drake Batterson, c'est un ancien de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Tu sais, je regarde la situation de Thomas Chabot, qui, tu sais, je veux dire. Alors, tu sais, à un moment donné, là, moi, là, honnêtement, là, la meilleure façon de vendre des billets, là, puis je pense pas que je vous apprends rien, là. C'est la victoire. Faut que tu performes, faut que tu compétitionnes. Ouais. Et les sénateurs, dans les dernières années, ont accepté de saigner du nez dans une phase de reconstruction complète. Écoutez, là, je n'en cache pas, le noyau de talent, il est en place. Là, il est en place. Et je pense qu'on a fini cette opération-là. Les jours meilleurs s'en viennent. Et moi, je reviens toujours. Les gens, là, le hockey de la Ligue nationale, c'est un sport spectacle. Alors, ça prend un bon spectacle. Puis, des fois, ça va à l'extérieur du cadre du 85x200, c'est des événements. Alors, mais honnêtement, je pense qu'ils vont redonner bien, très, très bientôt des plus compétitifs. Ça, je pense que ça va amener définitivement un achalandage à ce niveau-là. Nicolas Saint-Pierre, tantôt à 12, à TVA Sport, un podcast, me disait que dès l'an prochain, ça va être l'objectif de faire les séries. Pas cette année, là, mais l'année prochaine, ça, c'est clair qu'on va viser les séries. Les jeunes grandissent de bonne façon. Oui, Alain, je veux te parler d'Alexis Lafrenière. Je viens de voir un texte de Pat Laprade de TVA Sport, puis il compare. Tu sais pas si tu as vu ce texte-là? Il compare les choix, les tout premiers choix d'Alexis Lafrenière. Puis là, il a eu 100 matchs dans la Ligue nationale, puis il a 33 points. Puis là, il compare les choix de Yakupov, il compare les pires choix. Là. Alexandre Daigle, Patrick Stéphane, ensuite de ça, Brian Lawton, Doug Wickenheiser. Il a tous sorti les flops de les overall premiers choix. Là. Et de tous ces choix-là, Lafrenière est celui qui a le moins de points. Même avant Yakupov, il y a moins de points que Yakupov, et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut considérer... Moi, je trouve que c'est encore trop de bonheur, mais l'an prochain, en cas de Lafrenière, ça va être son année de vérité. Là. C'est à partir de l'année prochaine, moi, je pense qu'il faut qu'il devienne un vrai choix. Un bon joueur de hockey. Est-ce que tu es d'accord avec moi là-dessus? Oui, puis je pense que le plus important là-dedans, c'est toujours de ramener dans les contextes. Ouais. OK? Moi, là, si là, je veux vous amener ce matin des propos gratuits, là, OK? Je vous dis, bon, Alexis Lafrenière a été premier choix au total en 2020. Le deuxième choix au total a été Quinton Byfield. Byfield a joué son premier match chez Ligue nationale il y a une couple de semaines. Le troisième choix au total, il s'appelle Tim Stutzla. Alors, si je demeure, je fais fi du contexte sur une courte échantillon, bien là, je suis en train de vous dire qu'à la base, là, Tim Stutzla aurait dû être le premier choix total. Stutzla est du très, très gros hockey. Mais attendez une minute, le contexte est différent. Stutzla est joué avec une équipe en reconstruction, il y a du temps de glace qualité minute. J'enlève rien à Tim, là. J'enlève rien. Mais Lafrenière parlait avec les Rangers dans le même contexte, là. Ouais. Là, regarde les noms, la grosse quincaillerie en avant, là, les Panarin, les Iban et Jad Crider qui est rendu à 32-33 buts. Alors, je ne suis pas sûr que Lafrenière, écoute, là, chaque joueur est imputable de sa propre situation. Mais je veux juste dire, il faut toujours être prudent dans le jeu des comparaisons. Je pense que, comme l'a mentionné tantôt, l'échantillon est beaucoup trop court au moment où on s'apprête. Mais l'an prochain, il va falloir qu'il commence. L'année prochaine, je pense qu'il commence. Il faut qu'il soit acquis. Ben, oui. L'année prochaine, c'est un work in progress. Ouais. Mais comparé à Wickenheiser, c'est pas le même hockey. Là. C'est comme peut-être un but. Non. C'est comme peut-être un but de moins dans le match. Les gardiens n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Les équipements. On aime ça. Je suis le premier à faire ça. Là, faut en prendre et en laisser. Dernier point d'actualité. Oui. La Coupe du monde de hockey, j'ai entendu dire à travers les branches que j'ai lu un matin qu'on travaille pour une Coupe du monde en 2024. Les Olympiques, moi, j'aurais bien aimé voir, mais je comprends le contexte, j'aurais pas voulu voir Sidney Crosby pogné en Chine pendant 2 semaines de temps. C'est sûr qu'on change de processus. Là. Mais Un événement majeur international par 4 ans, c'est pas trop. Non, je pense pas. Je pense, mais regarde, là, c'est drôle, hein? Coïncidence ou pas, hein? Cette nouvelle-là, là, cette nouvelle-là est sortie dans les 24 dernières heures. C'est ça? C'est drôle, hein? Assez drôle, elle sort au même moment où c'est l'ouverture officielle des Jeux olympiques à Pékin. Tu sais, là, c'est une game politique, présentement. C'est du tirage de couverture à gauche par là. Je veux juste poser la question, là. Pourquoi on sort ça le 3 février? Pourquoi c'est important le 3 février 2000, Ben, il y a le match des étoiles 2022? aussi. Il y a souvent des Ah, nouvelles qui OK. sortent. Il y a souvent des C'est nouvelles peut-être qui. ça qu'il faut éliminer, hein? Ouais. Il y a souvent des Peut-être nouvelles match qui des sortent étoiles. aussi, là. Pas. Oui, je sais. Mais tout ça pour vous dire, je suis pas contre des genres de Coupe du Monde, et ainsi de suite. Il y a des années, on avait vécu des compétitions intéressantes, mais il y a une chose que vous savez, là, donc. C'est les athlètes professionnels, quand ils ont l'opportunité de représenter leur pays aux Jeux olympiques, Ah, pour regarde. plusieurs, c'est du non négociable. Ah ouais. C'est du non négociable. Cette année, c'était compréhensible en Chine, la COVID et ainsi de suite, là. Mais je pense Exact. qu'à Paris, ils vont être à Paris. Oui, c'est à Paris là, dans 4 ans, oui. Donc, Oui. c'est sûr qu'ils vont être à Alors, Paris, il y a beaucoup de. Tout ça pour vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de tractations en coulisses, puis c'est correct. Mais on se conseille, surtout pour les joueurs et professionnels de l'autre continent, représenter leur pays aux Jeux Ah, Olympiques. C'est du non négociable. et même les championnats du monde. Parlez-en, monsieur Ovechkin. Oui, effectivement. Hein? Ben, merci beaucoup, M. Entre autres. Jean-Cartier. Merci beaucoup. Très intéressant. J'espère vous reparler un autre tantôt. Ouais, c'était un plaisir, mon cher. Okay, donc, l'analyse des matchs des Sénateurs d'Ottawa, Alain Jean-Cartier.